Chapitre 15. Relations entre les cités. La guerre, la paix, l'alliance des dieux. La religion qui exerçait un si grand empire sur la vie intérieure de la cité intervenait avec la même autorité dans toutes les relations que les cités avaient entre elles. C'est ce qu'on peut voir en observant comment les hommes de ces vieux âges se faisaient la guerre, comment ils concluaient la paix, comment ils formaient des alliances. Deux cités étaient deux associations religieuses qui n'avaient pas les mêmes dieux. Quand elles étaient en guerre, ce n'étaient pas seulement les hommes qui combattaient, les dieux aussi prenaient part à la lutte. Qu'on ne croit pas que ce soit là une simple fiction poétique. Il y a eu chez les anciens une croyance très arrêtée et très vivace, en vertu de laquelle chaque armée emmenait avec elle ses dieux. On était convaincu qu'ils combattaient dans la mêlée. Les soldats les défendaient, et ils défendaient les soldats. En combattant contre l'ennemi, chacun croyait combattre aussi contre les dieux de l'autre cité. Ces dieux étrangers, il était permis de les détester, de les injurier, de les frapper. On pouvait les faire prisonniers. La guerre avait aussi un aspect étrange. Il faut se représenter deux petites armées en présence. Chacune a au milieu d'elle ses statues, son autel, ses enseignes qui sont des emblèmes sacrés. Chacune a ses oracles qui lui ont promis le succès, ses augures et ses devins qui lui assurent la victoire. Avant la bataille, chaque soldat dans les deux armées pense et dit comme ce grec dans Euripide « Les dieux qui combattent avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec nos ennemis ». Chaque armée prononce contre l'armée ennemie une imprécation dans le genre de celle dont Macrobe nous a conservé la formule « Ô Dieu, répandez l'effroi, la terreur, le mal parmi nos ennemis. Que ces hommes et quiconque habitent leurs champs et leurs villes soient par vous privés de la lumière du soleil. » Que cette ville et leurs champs, et leurs têtes et leurs personnes, y vous soient dévouées. Cela dit, on se bat des deux côtés, avec cet acharnement sauvage que donne la pensée qu'on a des dieux pour soi, et qu'on combat contre des dieux étrangers. Pas de merci pour l'ennemi, la guerre est implacable. La religion préside à la lutte et excite les combattants. Il ne peut y avoir aucune règle supérieure qui tempère le désir de tuer. Il est permis d'égorger les prisonniers, d'achever les blessés. Même en dehors du champ de bataille, on n'a pas l'idée d'un devoir, quel qu'il soit, vis-à-vis de l'ennemi. Il n'y a jamais de droit pour l'étranger. À plus forte raison, n'y en a-t-il pas quand on lui fait la guerre. On n'a pas à distinguer à son égard le juste et l'injuste. Mucius, Slavola, et tous les Romains ont cru qu'il était beau d'assassiner un ennemi. Le consul, Marcius, se vantait publiquement d'avoir trompé le roi de Macédoine. Polémile vendit comme esclave 100 000 épirotes, qui s'était remis volontairement dans ses mains. Le lacédémonien Phébidas, en pleine paix, s'était emparé de la citadelle des Thébains. On interrogeait Agésilas sur la justice de cette action. « Examinez seulement si elle est utile, dit le roi, car dès qu'une action est utile à la patrie, il est beau de la faire. » Voilà le droit des gens des cités anciennes. Un autre roi de Sparte, Cléomène, disait que tout le mal qu'on pouvait faire aux ennemis était toujours juste aux yeux des dieux et des hommes. Le vainqueur pouvait user de sa victoire comme il lui plaisait. Aucune loi divine et humaine n'arrêtait sa vengeance ou sa cupidité. Le jour où Athènes décréta que tous les Mytiléniens, sans distinction de sexe ni d'âge, seraient exterminés, elle ne croyait pas dépasser son droit. Quand le lendemain elle revint sur son décret et se contenta de mettre mort 1000 citoyens et de confisquer toutes les terres, elle se crut humaine et indulgente. Après la prise de Platée, les hommes furent égorgés, les femmes vendues, et personne n'accusa les vainqueurs d'avoir violé le droit. On ne faisait pas seulement la guerre aux soldats, on la faisait à la population tout entière, hommes, femmes, enfants, esclaves. On ne la faisait pas seulement aux êtres humains, on la faisait aux champs et aux moissons. On brûlait les maisons, on abattait les arbres. La récolte de l'ennemi était presque toujours dévouée aux dieux infernaux, et par conséquent brûlée. On exterminait les bestiaux, on détruisait même les semis qui aurait pu produire l'année suivante. Une guerre pouvait faire disparaître d'un seul coup le nom et la race de tout un peuple et transformer une contrée fertile en un désert. C'est en vertu de ce droit de la guerre que Rome a étendu la solitude autour d'elle. Du territoire où les Volsques avaient 23 cités, elle a fait les marais pontins. Les 53 villes du Latium ont disparu. Dans le Samnium, on peut longtemps reconnaître les lieux où les armées romaines avaient passé, moins aux vestiges de leur camp qu'à la solitude qui régnait aux environs. Quand le vainqueur n'exterminait pas les vaincus, il avait le droit de supprimer leur cité. c'est-à-dire de briser leur association religieuse et politique. Alors les cultes cessaient et les dieux étaient oubliés. La religion de la cité étant abattue, la religion de chaque famille disparaissait en même temps. Les foyers s'éteignaient. Avec le culte tombaient les lois, le droit civil, la famille, la propriété, tout ce qui s'étayait sur la religion. Écoutons le vaincu à qui l'on fait grâce de la vie. On lui fait prononcer la formule suivante. « Je donne ma personne, ma ville, ma terre, l'eau qui y coule, mes dieux termes, mes temples, mes objets mobiliers, toutes les choses qui appartiennent aux dieux. Je les donne au peuple romain. » À partir de ce moment, les dieux, les temples, les maisons, les terres, les personnes étaient aux vainqueurs. Nous dirons plus loin ce que tout cela devenait sous la domination de Rome. Quand la guerre ne finissait pas par l'extermination ou l'assujettissement de l'un des deux parties, un traité de paix pouvait la terminer. Mais pour cela, il ne suffisait pas d'une convention, d'une parole donnée. Il fallait un acte religieux. Tout traité était marqué par l'immolation d'une victime. Signer un traité est une expression toute moderne. Les Latins disaient « frapper un chevreau »,« iscere aedus » ou « foedus ». Le nom de la victime qui était le plus ordinairement employé à cet effet est resté dans la langue usuelle pour désigner l'acte tout entier. Les Grecs s'exprimaient d'une manière analogue. Ils disaient « faire la libation ». C'était toujours des prêtres qui, se conformant au rituel, en Grèce ils portaient une couronne, accomplissaient la cérémonie du traité. On les appelait « fessio » en Italie, « spendophore » ou « porte-libation » chez les Grecs. Cette cérémonie religieuse donnait seule aux conventions internationales un caractère sacré et inviolable. Tout le monde connaît l'histoire des fourches caudines. Une armée entière, par l'organe de ses consuls, de ses questeurs, de ses tribuns et de ses centurions, avait fait une convention avec les Samnites. Mais il n'y avait pas eu de victime immolée. Aussi le Sénat se crut-il en droit de dire que la convention n'avait aucune valeur. En l'annulant, il ne vint à l'esprit d'aucun pontife, d'aucun patricien, que l'on commettait un acte de mauvaise foi. C'était une opinion constante chez les anciens que chaque homme n'avait d'obligation qu'envers ses dieux particuliers. Il faut se rappeler ce mot d'un certain grec dont la cité adorait le héros Alabandos. Il s'adressait à un homme d'une autre ville qui adorait Hercule. Alabandos, disait-il, est un dieu et Hercule n'en est pas un. Avec de telles idées, il était nécessaire que dans un traité de paix, chaque cité prît ses propres dieux à témoin de ses serments. « Nous avons fait un traité et versé les libations, disait le Platéen aux Spartiates. Nous avons attesté vers les dieux de vos pères, nous les dieux qui occupent notre pays. » On cherchait bien à invoquer, s'il était possible, des divinités qui fussent communes aux deux villes. On jurait par ces dieux, qui sont visibles à tous, le soleil qui éclaire tout, la terre nourricière. Mais les dieux de chaque cité et ses héros protecteurs touchaient bien plus les hommes, et il fallait que les contractants les prissent à témoin, si l'on voulait qu'ils fussent véritablement liés par la religion. De même que pendant la guerre, les dieux s'étaient mêlés aux combattants, ils devaient aussi être compris dans le traité. On stipulait donc qu'il y aurait alliance entre les dieux comme entre les hommes des deux villes. Pour marquer cette alliance des dieux, il arrivait quelquefois que les deux peuples s'autorisaient mutuellement à assister à leurs fêtes sacrées. Quelquefois, ils s'ouvraient réciproquement leurs temples et faisaient un échange de rites religieux. Rome stipula un jour que le dieu de la ville de Lanuvium protégerait dorénavant les Romains, qui auraient le droit de le prier et d'entrer dans son temple. Souvent chacune des deux parties contractantes s'engageait à offrir un culte aux divinités de l'autre. Ainsi, les Éléens, ayant conclu un traité avec les Étoliens, offrirent dans la suite un sacrifice annuel aux héros de leurs alliés. Il était fréquent qu'à la suite d'une alliance, on représentât par des statues ou des médailles les divinités des deux villes, se donnant la main. C'est ainsi qu'on a des médailles où nous voyons unis l'Apollon de Milet et le génie de Smyrne, la Pallas des Sidéens et l'Artémis de Perge, l'Apollon d'Hierapolis et l'Artémis d'Éphèse. Virgile, parlant d'une alliance entre la Thrace et les Troyens, montre les pénates des deux peuples unis et associés. Ces coutumes bizarres répondaient parfaitement à l'idée que les anciens se faisaient des dieux. Comme chaque cité avait les siens, il semblait naturel que ces dieux figurassent dans les combats et dans les traités. La guerre ou la paix entre deux villes était la guerre ou la paix entre deux religions. Le droit des gens des anciens fut longtemps fondé sur ce principe. Quand les dieux étaient ennemis, il y avait guerre, sans merci et sans règle. Dès qu'ils étaient amis, les hommes étaient liés entre eux et avaient le sentiment de devoirs réciproques. si l'on pouvait supposer que les divinités polyades de deux cités eussent quelque motif pour être alliées, c'était assez pour que les deux cités le fussent. La première ville avec laquelle Borne contracta amitié fut Caérée en Étrurie, et Tite Live en dit la raison. Dans le désastre de l'invasion gauloise, les dieux romains avaient trouvé un asile à Caérée. Ils avaient habité cette ville. Ils y avaient été adorés. Un lien sacré d'hospitalité s'était ainsi formé entre les dieux romains et la cité étrusque. Dès lors, la religion ne permettait pas que les deux villes fussent ennemies. Elles étaient alliées pour toujours. Il n'entre pas dans notre sujet de parler des confédérations, ou amphictyonies, qui étaient nombreuses dans l'ancienne Grèce et en Italie. Qu'il nous suffise de faire remarquer ici qu'elles étaient des associations religieuses autant que politiques. On ne voit pas d'amphictyonie qui eût un culte commun et un sanctuaire. Celle des Béotiens offrait un culte à Athénée Itonia, celle des Achéens à Déméter Panakéa. Le dieu des Ioniens d'Asie était Poséidon héliconien, comme celui de la Pentapole dorienne était Apollon triopique. La confédération des Cyclades offrait un sacrifice commun dans l'île de Délos, les villes de l'Argolide à Calenry. L'amphictyonie des Thermopyles était une association de même nature. Toutes les réunions avaient lieu dans des temples et avaient pour objet principal un sacrifice. Chacune des cités confédérées envoyait pour y prendre part quelques citoyens, revêtus momentanément d'un caractère sacerdotal, et qu'on appelait théores. Une victime était immolée en l'honneur du dieu de l'association, et les chairs, cuites sur l'autel, étaient partagées entre les représentants des cités. Le repas commun, avec les chants, les prières et les jeux sacrés qui l'accompagnaient, formait le lien de la confédération. Les mêmes usages existaient en Italie. Les villes du Latium avaient les feries latines, où elles partageaient les chairs d'une victime. Il en était de même des villes étrusques. Du reste, dans toutes ces anciennes amphictyonies, le lien politique fut toujours plus faible que le lien religieux. Les cités confédérées conservaient une indépendance entière. Elles pouvaient même se faire la guerre entre elles, pourvu qu'elles observassent une trêve pendant la durée de la fête fédérale.